Mais j'ai continué à travailler chez Bougenot jusque. Ben, faut que je suis sorti au mois de décembre 24. Je trouvais que je ne gagnais pas assez. Alors, il y avait une boîte qui s'est installée près du pas du Faubourg. C'était chez Mamelouk. C'était ils venaient de Lorraine annexée, de Sarreguemines, je crois. Alors, après la guerre, ils étaient venus installer une machine ici. Alors, il paraît qu'on disait qu'ils payaient bien, mais que j'avais été chez Mamelouk. Et puis, il ne lui plaisait pas trop. Non, pourquoi ? Bah, au début, il faisait de la saloperie, des machins de moulin. Alors, moi, j'avais l'habitude de faire des violons à la main.